إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه وشكر ما أنعم به عليكم فقد وعد بالعاقبة للمتقين والمزيد للشاكرين عباد الله من المعلوم لديكم أن المجتمع يتكون من الأسرة والأسرة تتكون من الأفراد كالبناء الذي يتكون من الأساس واللبنات وبقدر قوة الأساس وقوة اللبنات وانتظامها يكون البناء صرحا شامخا وحسنا وحصنا راسخا كذلك المجتمع الإنساني إنما يكون صالحا بصلاح الفرد والأسر التي يتكون منها ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا وبالجسد الواحد الذي يتألم كله بألم عضو من أعضائه ولهذا عني الإسلام عناية تامة بتكوين الأسرة المسلمة واستصلاحها ولما كان الأسرة يبدأ من اتصال الذكر بالأنثى عن طريق الزواج أمر باختيار الزوج الصالح والصالحة والزوجة الصالحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج من كان مرضي الدين والخلق وهذا يدل على أن من كان فاسد الدين سيء الخلق لا يزوج ولا يجوز تزويجه ففيه حث على اختيار الأزواج واعتبار المؤهلات الشرعية وكثير من الأولياء لا يعير هذا الجانب اهتماما عند تزويج موليته فلا يختار لها الرجل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يختار لها الرجل الذي يهواه هو ولو كان فاسدا في دينه سيئا في خلقه لا مصلحة للمرأة من الزواج به فكم سمعنا من مشاكل النساء التي وقعن في سوء الاختيار وهذه تقول أنها بليت بزوج لا يصلي وهذه تقول إن زوجها يشرب المسكرات ويتعاطى المخدرات وهذه تقول إن زوجها أمرها بالسفور وإلقاء الحجاب وهذه تقول إن زوجها يستمتع بها في غير ما أحل الله فيجامعها في نهار رمضان أو يجامعها وهي حائض أو يجامعها في غير المحل الذي أباحه الله وهذه تقول إن زوجها لا يبيت عندها لأنه يسهر مع الفسقة، والمسؤول عن ذلك هو وليها الذي أساء الاختيار لها وخان أمانته عليها، وهو المسؤول أيضا عن فسادها وفساد ذريتها بسبب هذا الزوج الذي غشها به. كما حث الإسلام على اختيار الأزواج الصالحين، حث كذلك على اختيار الزوجات الصالحات. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها، فاذفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. ومعناه الحث على اختيار الزوجة الصالحة دون نظر إلى الاعتبارات الأخرى من الحسب والمال والجمال مع الخلو من الدين. والحديث يدل على أن الدين في المرأة يغطي ما فيها من العيوب، بخلاف المال والجمال إذا كان بدون دين فإنهما يجران إلى مفاسد. وأما إذا اجتمع في المرأة الدين والجمال وغيره من صفات الكمال فذلك من تمام النعمة، ولكن كل نقص يمكن التغاضي عنه إلا نقص الدين. ثم يأمر الإسلام بعد تمام الزواج بحسن العشرة بين الزوجين، ومن هنا ندرك اهتمام الإسلام باختيار الزوجين لأنهما ركيزة الأسرة، وبصلاحهما تصلح الأسرة بإذن الله، واهتمامه ببقاء الزوجة الصالحة. ثم بعد هذه المرحلة في تكوين الأسرة، وهي مرحلة اختيار الزوجين، يهتم الإسلام بتربية الذرية الحاصلة بين هذين الزوجين، فيأمر الوالدين بتنشئة أولادهما على الصلاح والابتعاد عن الفساد. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ويأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد في العطية، ويمنع الوالد أن يعطي بعض الأولاد ويحرم البعض الآخر، لأن هذا يفضي إلى العداوة بين الأولاد ويجر إلى القطيعة التي تفكك الأسرة وتهدم بناءها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد، يعني حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي عن تلك الصدقة. رواه مسلم. وكما أمر الله الوالدين بتربية الأولاد والإحسان إليهم وحسن تأديبهم، فقد أمر الأولاد برد هذا الجميل والإحسان إلى الوالدين وبرهما، لا سيما عند كبرهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا يأمر الله الوالدين بالإحسان إلى الأولاد في حالة صغرهم وعجزهم، ويأمر الأولاد بالإحسان إلى الوالدين عند كبرهم وعجزهم. وفي هذا تكافل وتعاون بين أفراد الأسرة المسلمة من الناحية المادية، وهناك تكافل وتعاون بين أفراد الأسرة على ما هو أهم من ذلك وأنفع في العاجل والآجل، وهو التعاون على البر والتقوى، وذلك بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر بين أفراد الأسرة الواحدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم ويقوا من لهم عليهم ولاية من أهليهم من النار التي لا ينجي منها إلا فعل الطاعات وترك المنكرات والمحرمات والتعاون على البر والتقوى. كما ويجب على الإنسان أن يحرص على نجاة نفسه، ويجب عليه أن يحرص على نجاة غيره من أقاربه وإخوانه. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا فيه أن قيم الأسرة يحمل مسؤولية أسرته، قيم الأسرة يحمل مسؤولية أسرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل قيم يحمل مسؤولية أسرته بالأمر بأداء الصلاة وغيرها من الواجبات وترك المعاصي والمحرمات. وهذا يتضمن اتخاذ وسائل الخير في البيوت من التعليم والتأديب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبعاد وسائل الشر عن البيوت من الملاهي وكل المظاهر السيئة، لأن البيوت هي محل اجتماع الأسرة وتلاقي أفرادها، فلا بد أن تكون بيوتا إسلامية مؤسسة على البر والتقوى وخالية مما يتنافى مع الإسلام وآدابه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن صلاح الأسرة سبب لجمع الشمل وقرة الأعين في الدنيا والآخرة، وفساد الأسرة يسبب القطيعة في الدنيا والآخرة. بارك الله لكم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، serviteurs d'Allah, craignez Allah, craignez Allah en faisant ce qu'il vous ordonne et en abandonnant ce qu'il vous interdit, et soyez reconnaissants pour ce qu'il vous a donné comme grâce, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis la bonne fin aux pieux et il augmente les grâces qu'il donne à ceux qui sont reconnaissants. Serviteurs d'Allah, vous savez très bien que la société est composée de familles, et la famille est composée d'individus et d'éléments, et donc c'est comme une construction, comme un bâtiment, comme un mur. Il est composé d'une fondation et il est composé aussi de briques. Et donc, plus la fondation est forte et plus les briques sont bien installées et bien soudées les unes avec les autres, eh bien, on va voir que le bâtiment en question va être plus solide et plus fort. Et donc, la société humaine, c'est la même chose qu'une construction ou qu'un mur. Si les individus dans cette société sont bons et que les familles sont établies sur ce qui est le bien et sur la foi et sur la guidance, eh bien, la société également sera bonne et sera bien et sera sur la guidance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé justement la société musulmane à une construction. Et il a dit que yani, c'est comme une construction qui se solidifie. Chaque partie de, yani, du musulman, et de, chaque musulman renforcit son frère. Et donc c'est ainsi que chaque musulman renforcit l'autre. Et que c'est comme un seul corps. Lorsqu'une partie ou un membre souffre, eh bien tout le reste des membres du corps souffre avec. Et c'est pour ça que l'islam a donné une grande importance à la famille. Et on vit dans une société qui malheureusement a complètement détruit la famille et a oublié son importance. Et on voit que malheureusement, même ce qui est le plus fondamental, même dans la définition d'une famille, eh bien ils le remettent en question. On voit que maintenant ils acceptent qu'un homme épouse un homme ou qu'une femme épouse une femme. Eh bien, Allahul Musta'an, peut-être que bientôt ils vont accepter que les hommes épousent des animaux bientôt. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, on sait très bien que Allah nous a préservés de toutes ces formes de déviation et d'égarement en révélant sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam une sharia, une voie pure et des règles et des principes qui nous écartent et qui nous éloignent de toute turpitude et de toute corruption et de toute déviation dans le comportement, dans la croyance et dans la compréhension et dans la raison. Et c'est-à-dire que la famille dans l'islam elle est basée sur le mariage entre un homme et une femme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné beaucoup d'importance au choix qu'on fait lorsqu'on se marie. Et qui est-ce qu'on va accepter comme époux pour notre fille? Et qui est-ce qu'on va prendre comme épouse soi-même? Hein, quelle femme on va choisir pour soi-même? Tout ça, ça a été expliqué par l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, lorsqu'un homme vous vient pour demander votre fille en mariage ou votre sœur, et que vous êtes satisfait de son comportement, de sa religion et de son comportement. Et on voit qu'il n'a pas dit seulement la religion, mais il a mentionné en plus le comportement. Donc les deux ensemble. Donc, alors il a dit, alors mariez-le. Si c'est une personne dont vous êtes satisfait, le comportement et la religion, mariez-le à votre fille ou à votre sœur. Parce que si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous refusez de le faire, il y aura beaucoup de désordre sur la terre, beaucoup de tribulations et de fitna, de tentations. Approchez-vous un peu. Il y a des frères qui sont debout dans l'entrée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à ce sujet-là aux pères et aux responsables des filles de choisir des hommes qui sont des bons musulmans, qui ont un bon comportement pour donner à leurs filles. Et donc ça signifie que ce n'est pas permis de donner sa fille ou sa sœur à quelqu'un qui n'est pas un bon musulman, qui n'a pas un bon comportement. Donc, ça, c'est des choses très importantes et que malheureusement, beaucoup de parents négligent. Parfois, le père, il cherche un mari pour sa fille et il ne regarde pas à qu'est-ce qui va être bon pour elle par rapport à sa foi et à sa religion, mais plutôt il regarde à ses intérêts personnels. Et il regarde uniquement des éléments matériels et il ne tient aucun compte de l'aspect spirituel ou religieux et le comportement. Et donc, on voit que par la suite, la femme, elle est prise avec un homme qui ne fait pas la salat, ou bien qui prend de la drogue, ou bien qui sort tard le soir, ou bien il y en a qui fait toutes sortes d'autres choses qui sont contraires au comportement du musulman. Et donc, tout ça, c'est quoi? C'est la faute de qui? C'est la faute du père, qui n'a pas pris sa responsabilité, qui n'a pas pris son rôle au sérieux. Il y en a plusieurs fois déjà m'ont contacté pour me dire, une sœur, elle veut se marier, mais son père, Il n'a aucun intérêt pour elle. Il ne s'occupe même pas d'elle. Hein? Il a abandonné sa fille et sa femme depuis qu'elle était toute petite. Maintenant, elle veut se marier. Elle a besoin de son père pour qu'il soit pour elle un wali, un responsable. Et on voit qu'il est parti, il les a abandonnés. Est-ce que ça, c'est l'attitude ou le comportement d'un père dans l'islam? Bien sûr que non. Parce qu'il a une responsabilité envers sa famille. Il a une responsabilité envers sa femme. Des maris, tu les vois, hein? La femme, elle est mariée avec un homme, il lui dit, enlève le hijab. Hein? Il lui dit, fais des choses, puis après, c'est des choses qui sont en contradiction avec la religion. Donc, il lui ordonne de désobéir à Allah. Il lui interdit d'obéir à Allah. Et donc, ça, c'est des hommes qui ne méritent même pas qu'on leur donne notre sœur ou notre fille en mariage. Parce qu'il appelle sa famille à l'enfer. Nasallallahu al-afiyah. Et de l'autre côté également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les hommes cherchent une femme, il nous a donné des conseils. Et il nous a dit que cette dunya, c'est une jouissance éphémère, la vie d'ici-bas. C'est une jouissance éphémère, mais que le meilleur de ces jouissances, c'est une femme vertueuse et pieuse. Et il a dit également qu'on épouse les femmes pour 4 raisons. Soit pour son argent, soit pour sa noblesse, soit pour sa beauté, ou soit pour sa religion. Et il a dit, prends celle qui a la religion, sinon, gare à toi, tu risques de périr. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, en disant ça, il voulait inciter les hommes à se concentrer sur les meilleurs aspects, le plus important de tous les aspects, c'est-à-dire la religion. Parce que si la femme, par exemple, elle a la religion, eh bien, alhamdoulilah, ça peut couvrir certains de ses défauts. Tandis que si elle a la beauté et la richesse, mais qu'elle manque en religion, eh bien, ça risque d'être un malheur. Et c'est la même chose pour la femme. Lorsqu'elle cherche un mari, elle ne doit pas uniquement regarder la beauté. Elle ne doit pas seulement regarder l'argent de son mari ou de son futur mari, mais elle doit également, premièrement, regarder sa religion et sa piété et son comportement. Ça, c'est ce qui est plus important. De même que également l'islam, après qu'on a établi une bonne famille basée sur la foi, eh bien, l'islam s'intéresse par la suite à l'éducation des enfants et à faire en sorte que les enfants soient bien éduqués selon les règles et les comportements de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez vos enfants à faire la salat lorsqu'ils ont 7 ans. Et si à 10 ans ils ne la font toujours pas, alors punissez-les à ce moment-là. Et séparez-les dans les lits. C'est-à-dire vous séparez les garçons et les filles à partir de cet âge dans les lits. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les parents à être justes entre les enfants. C'est-à-dire que si tu donnes quelque chose à un enfant, tu ne vas pas donner, tu vas pas donner aux autres. Ça c'est de l'injustice. Tu dois donner à tous tes enfants de façon égale. Et l'exemple de ça, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un sahabi qui a donné une sadaqa à un de ses fils. Et la mère a désapprouvé de ça. Elle a dit, je ne serai pas satisfaite tant que tu vas prendre pour témoin le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Alors, le sahabi est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, j'ai donné telle chose à un de mes fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu as donné la même chose aux autres? Il a dit non. Alors il a dit, dans ce cas-là, tu ne dois pas faire ça. Soit tu donnes à tous, ou bien tu ne donnes pas à aucun. Et donc il est revenu sur sa sadaqa qu'il lui avait donnée. Pourquoi? Parce que lorsque tu es injuste envers tes enfants, eh bien ça crée entre eux de la haine, de l'animosité, hein, de la discorde. Et c'est ce qui fait que par la suite, ils vont couper les liens entre eux, hein, quand ils vont grandir. Et donc, ça, c'est très important. De même que, également, l'islam encourage les enfants d'être bons envers leurs parents et de s'occuper d'eux lorsqu'ils deviennent vieux, de leur donner de l'attention, de l'amour, et de s'occuper d'eux. Parce que, quand ils sont vieux, ils ont besoin d'aide. Ils ont de la difficulté de s'occuper d'eux-mêmes et de faire des choses parce qu'ils sont faibles, ils sont malades parfois. Et donc, يعني comme nous quand on était bébé, ils se sont occupés de nous, ils ont passé des nuits blanches à يعني nous calmer, nous réconforter ou nous nourrir ou des choses de ce genre. Eh bien, lorsqu'ils deviennent vieux, c'est à notre tour maintenant de leur remettre l'appareil et d'agir avec eux avec bonté. Donc tout ça sont des choses qui sont encouragées et incitées par l'islam. Malheureusement, on voit que yani, la société occidentale et le mode de vie occidental a opposé ces grandes yani, règles de l'islam. Et maintenant, quand une personne devient vieille, on l'envoie dans une maison de pension pour vieillesse où des étrangers s'occupent d'eux et peut-être qu'ils ne vont même pas s'occuper d'eux correctement. Et une chose est certaine, ils ne peuvent pas s'occuper d'eux mieux que yani, leur propre famille. Donc, tout ça, c'est pour donner un exemple. La même chose aussi pour l'éducation des enfants. Maintenant, les gens, ils envoient tous leurs enfants à la garderie. Le père travaille, la mère travaille. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qui est-ce qui éduque les enfants? C'est des étrangers, des étrangères. Des fois, c'est des musulmans, des fois, c'est des koufars. Et ils prennent de ça toutes sortes de mauvais comportements. Et aussi, ils ont un manque émotif. Et yani, ils ont besoin de leurs parents, mais ils ne les retrouvent pas. Plus tard, quand ils sont plus vieux, ils rentrent à la maison le soir après l'école, il n'y a personne. Ils sont tout seuls. Donc, qu'est-ce qui fait leur éducation? C'est la télévision, c'est la rue, c'est la société, c'est les étrangers. Mais les parents, eux qui ont la priorité et le premier rôle dans l'éducation des enfants, ils sont absents. Donc ça, c'est un gros problème. Et c'est pour cette raison que c'est très important pour nous de revenir aux enseignements de l'islam pour justement faire en sorte que la société musulmane soit basée sur les principes de l'islam et qu'elle soit une société forte et solide. Et pour la purifier, la nettoyer des problèmes de comportement et des problèmes sociaux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين